chaque frère et chaque sœur. Bwana abariki kila ndugu na kila dada. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Na tunawasalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs. Tunabeba wakati moja moja kusalimia wandugu wetu na badada yetu. Qui nous suivent en ligne. Wale wanatufuata kwa njia ya internet. Que les riches bénédictions du Seigneur soient sur chacun de nous. Mabaraka yote utajiri kutokea kwa Bwana iwe juu ya kila mmoja wetu. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Bila gawia, tuko na simama. Ésaïe chapitre 53. Isaïe sura makumi tano na tatu. Je vais prier. Nitaomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa wezo yote, notre Père et notre Sauveur, Baba yetu na Mokozi wetu, nous te disons de tout cœur merci. Kwa mioyo yetu yote, tunasema asante Bwana. De ce que tu t'es révélé à nous. Kwa hivi uliwezi kutufunua kwetu. Tu nous as rendu capables, Seigneur. Kwa tupatia uwezo Bwana. De te connaître toi le seul vrai Dieu. Ya kukujua wewe peke yako Mungu wa kweli. Tu nous as rendu capables de reconnaître ce qui a été accompli à Golgotha pour nous. Ya kutambua inyelitimilika ku Calvario. Tu nous as rendu capables de reconnaître ce que tu es en train d'accomplir en ces temps de la fin. Ya kutambua inyelitimilika kutimiza mu wakati ya mwisho. Tu nous as rendu capables aussi ukatuwezesha vile vile de reconnaître le ministère qui agit en ces temps de la fin. Il est onatumika wakati ya mwisho. Nous connaissons bien ta volonté. Tunajua mzuri mapenzi yako. Aide-nous maintenant, Seigneur. Utusaidie sasa Bwana. Viens au secours de nos âmes. Kuja na usaidie manafsi zetu. Produit de l'obéissance en nous. Utoe utiifu ndani mwetu. Produit de la soumission en nous. Utoe kujitiisha kwetu. Fais-nous marcher dans la voie du salut. Ufanye tupate kutembea katika njia ya wokovu. Secours chacun de nous-mêmes ce matin. Usaidie kila mmoja wetu hata asubuhi ya leo. Éclaire nos esprits. Uangazie maro zetu. Nous te confions l'ensemble du service. Tunakutolea kazi yote. Ta présence est très nécessaire en ce moment. Mwi wakati uwepo wako kwa mafaa kabisa. Ta présence change de vie. Uwepo wako kunabadilisha maisha. Ta présence guérit. Uwepo wako unaponya. Elle accomplit beaucoup d'œuvres merveilleuses. Na ikunatimiza makazi mingi ya damani. Nous croyons que Seigneur, tunaamini kwamba Bwana, tu feras même au-delà de ce que nous te demandons. Utatenda hata ya kushindia yenye tunatoka mkuomba. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ndio mu jina la Yesu Kristo. Que nous le demandons. Ndio tunayaomba. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Inani aliamini kwa ile iliwezi kutangaziwa? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Inani alitambua mkono ya wa milele? Pouvez-vous asseoir. C'est depuis mardi que nous avions commencé ce petit sujet. Nitangia mkazi mbili tulianza ishi na kidogo wa mahubiri. Intitulé qui a reconnu le bras de l'Éternel? Shina yayo ni nani alitambua mkono ya wa milele? Ou à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Wala ni kwa nani mkono wa milele ilifunuliwa? Le souci profond dans ce sermon. Angaiko ya upana katika imahubiri. C'est que le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu voudrait susciter une curiosité dans chacun de nous. Anapenda kuamsha angalisho fulani ndani ya kila mmoja wetu. Comme je l'ai dit mardi. Mpaka mimi niwezi kuyasema mkazi mbili. Je crois que depuis le mois d'avril. Naamini nadhani tangia mwezi wa 4 jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hata kufika masiku kidogo kumkongo. Nous avons reçu 19 prédicateurs dans cette assemblée. Tulipokea wahubiri 19 ndani ya makutano. Ce qui fait inafanya ce qui fait que chacun de nous na ili kunafaa kwa kila mmoja wetu doit être en mesure de s'arrêter et se poser la question de savoir ce qu'on produit les 19 passages. Anapata kusimama na kujiuliza hii matembezi 19 wa ubiri huku kwetu inatoa nini ndani mwake? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait voir? Bwana alinionyesha kwa nini? Qu'est-ce que j'ai reçu de la part du Seigneur? Ni nini nilipokea kwa upande wa Bwana? Après ces multiples passages d'homme de Dieu. Kisha wa ubiri wa Mungu kupita. Qu'est-ce qui a changé dans votre foi? Ni nini inabadilika katika imani yako? Qu'est-ce qui a changé dans votre ni nini inabadilika katika maisha yako? Qu'est-ce qui a changé dans votre couple? Ni nini inabadilika katika ndoa yenu? Qu'est-ce qui a changé dans vos affaires? Inabadilika katika biashara, makazi na mikono? Parce que Dieu n'envoie pas les serviteurs comme ça pour le bon plaisir de les envoyer. Du Mungu asitumake watumishi yake tutu ya furaha pake kuwatuma, hapana. Il est celui yeye ni ule qui connaît l'état de chaque cœur, mwenye kujua hali ya kila moyo, qui connaît la maladie spirituelle, physique et tant d'autres choses de chacun de ses fils et ses filles. Mwenye anajua magonjwa ya mwili ya roho na mangeko fulani fulani ndani ya kila mmoja wa binti wake na watoto wake wanaume. Nous répétons souvent l'écriture qui dit, kila mara tunarudia kile andiko yenye kusema, dans leur détresse, katika taabu yao, l'Éternel leur envoya la parole, wa milele akawatumia neno lake, et la parole les guérit, neno lake ikawaponya. Avez-vous été guéri? Eti mulipoñwa? C'est là la question. Ile ndio ulizo. Chacun selon sa situation. Kila mmoja kufuatana na mambo ile kwamo. Vous n'allez pas me dire que les 19 passages ici. Autenyonisha kwamba matembezi 19 ya ubiri. Vous ont laissé comme ça. Ilikuacha paka muhali moja moja. Qu'attendriez-vous encore? Sasa tungojea tena nini? Non seulement cela. Apana tu paka ile. Même localement. Ata mahali. On a reçu beaucoup. Tulipokea bia mingi. La Bible dit. Biblia nasema. À celui à qui on a beaucoup donné. Kwa ule mwenye walipatia bia mingi. Il lui sera aussi demandé beaucoup de choses. Bata mombaka tena bia mingi. Celui qui a été suffisamment éclairé. Ule alangaziwa sana. On lui demandera aussi un niveau de vie conséquent. Bata mwomba awe na maisha yenye kufatana na kimo ya mwangaza alipokea. Que le Seigneur bénisse. Bwana amibariki. Nous devons, sœurs et frères, tunapasha nduku dada, chaque jour, kila siku, nous arrêter, kusimama, et voir na comment notre foi évolue. Namna gani imani yetu kunaendelea? Comment ma conduite évolue dans la présence du Seigneur? Namna gani kunijongoza muwepo wa Mungu? La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Prenez le livre des psaumes. Be kitabu ya Zaburi. Psaume Zaburi. Psaume 92. Zaburi 92. Écoutez comment la Bible parle. Usikilize namna gani Biblia inasema. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Wenye haki wanakomalaka sawa muti ya ngazi. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Beko na jinua sawa ile ua ya Libani. Cèdre muti ya Libani. Planté dans la maison de l'Éternel. Ile yenye kupandiwa mu nyumba ya milele. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Wanakomala na kuendelea muviwanja wa Mungu wetu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Wanachukua tena matunda hata katika uzee. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Weko wenye kujaa na maji ya mti na weko na chipuka. Écoutez maintenant le verset 16. Mstari 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Njua kujulisha akwamba wa milele ni mwenye haki. Il est mon rocher. Yeye ni mwamba wangu. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Ndani mwake amuna kamwe uovu. Il n'y a point en lui d'injustice. Hakuna kamwe ndani mwake udhalimu. Sœur et frère. Nduku dada. C'est Dieu qui vous a attiré. Ni Mungu ndiye alikuvuta hapa. C'est Dieu qui vous avait convaincu. Ni Mungu ndiye alikuhakikishia. C'est Dieu qui vous avait rendu capable. Ni Mungu ndiye alikuwezesha. de reconnaître ce qui se fait présentement ici à Kambouf dans cette assemblée. Il vous a ouvert les yeux. Vous êtes celui que la Bible déclare être le juste. Maintenant, regarde comment la Bible, Dieu parle au sujet des justes. Des hommes et des femmes que lui-même a sortis des dénominations. Lui-même les a arrachés au présent siècle. Les hommes et des femmes considérés comme des arbres. Les palmiers, ils croissent, ils portent des fruits, ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. Et les gens doivent finir par reconnaître que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Pas l'œuvre d'un homme. Maintenant, sœur et frère. En lisant les Écritures, vous devez vous demander c'est quel genre de foi que vous avez. Ni aina gani ya imani kunayo? Quelle spiritualité vous avez? Ni maisha gani ya kiroho kunayo? Quand vous n'avancez en rien, wakati ausongi, auendelee hata mkitu kimoya, mais néanmoins vous venez à l'église. Lakini hata vile vyote kuna kila siku kanisa. Vous venez vous exposer devant ces dieux-là. Huko na kwa kujipeleka mbele ya ule Mungu. Quand lui reconnaît un homme ou une femme, wakati anaitika anatambua mwanaume wala mwanamke, comme étant l'œuvre de ses mains, na kumuitikia sawa kazi ya mikono yake, ndio évoluer comme ça. Ana ndio mwina mwana anapasha kuendelea. Que le Seigneur bénisse. Mungu ebibariki. Lui-même prend soin de ceux-là qu'il a appelé. Yeye mwenyewe kuna ngaikia wale yeye aliita. Lui-même est responsable de cet appel. Yeye mwenyewe kuna ndio na ile buzito ya ile mwito. Ce qui est dangereux, mon frère et ma soeur, c'est quoi? Ni nini? Satan est tellement rusé. Shetani comme janja sana. Tu peux être hypocrite sans le savoir. Unawezi kuwa mnafiki bila kujua. Il te tranquillise tellement dans ton cœur. Anakutuliza sana ndani ya moyo wako. Tu ne sauras jamais que tu es un hypocrite. Hautajua kama ya kwamba wewe uko mtu wa mauso mbili. Tu ne sauras jamais que tu ne prospères pas dans les choses. Hautajua kama kwamba wewe hauendelea hata mbitu ya Mungu. Il t'ouvrira les yeux grands sur autre chose. Atafungua macho yako yule vitu vingine. Alors que l'essentiel passe à côté. Wakati ile kinyakuwa cha mafaa kinakupita pembeni. Maintenant, regardez. Sasa tazameni. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani alitambua mkono wa milele? Ou l'Éternel a-t-il révélé son bras? Wala ni nani kwake wa milele alifunua mkono wake? Maana yake nini? Le bras de l'Éternel. Mkono wa milele. C'est sa puissance. Ni uwezo yake. Sa divinité. Ni Mungu wake. Son intervention. Ni usaidizi yake. Son action. Ni tendo yake. Qui a reconnu sa volonté? Wala mapenzi yake. Qui a reconnu la volonté Sasa, de Dieu? Qui a reconnu que Jésus est Dieu? Nani alitambua kwamba Yesu ndio Mungu? Qui a reconnu le programme de Nani Dieu? Alitambua matengenezo ya Mungu? Prenez psaume 118. Bebe Zaburi 118. Il y en a tellement beaucoup, on ne peut pas tout lire aujourd'hui. Kuna mingi sana, lakini tutasoma sana leo. Psaume 118, Zaburi 118, verset 15. Mstari 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Malalamiko ya ushindi na ya wokovu iko nasikilika umahema ya wenye haki. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Kuume wa milele kunaonekanisha uwezo yake. La droite de l'Éternel est élevée. Kuume wa milele kunainuliwa. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Kuume wa milele kunaonekanisha uwezo yake. Regardez le verset 15. Tazameni mstari 15. Des cris de victoire. Malalamiko ya ushindi et de salut na ya wokovu s'élève dans les maisons des hommes justes. Iko nasikilika mu manyumba ya wenye haki. Pourquoi? Juu ya nini? Ils reconnaissent que wao wanatambua kwamba Dieu est puissant. Mungu wa uwezo. Et publie ça dans leur maison. Bobo wanatangaza ile uwezo yake mu nyumba yao. Et publie ça dans leur vie. Wanatangaza ile katika maisha yao. Ya kwamba hakika kweli Mungu ni wa uwezo. Je suis témoin de cela. Niko mshuhuda ya ile. Les cris de triomphe ya ushindi, et de salut. Na ya okovu, c'est à celui-là qui est sauvé. Il doit dire que ça c'est la main de Dieu. Ni mukono ya Mungu. Être arraché là où j'étais et devenir ce que je suis, na kuwa kile mina kuwa, ça c'est la main de Dieu. Hii kweli ni mukono ya moi Mungu. J'ai vu la main de Dieu. Mie, miliona mukono ya Mungu. Et pour cela, nanjua ile, il pousse des cris de victoire. Il reconnaît que le seul vainqueur c'est Jéhovah. Wana tambua kwamba mshindaji peke yake ni Jéhovah. Que le Seigneur bénisse. Bwana amibariki. Des cris de justes, des triomphes. Malalamiko ya ushindi. Dans des maisons des justes. Umanyumba ya wenye haki. Eux voient la main de Dieu dans chaque étape de leur vie. Boko naona mkono wa milele mkila hatua ya maisha yao. Et ils savent regarder d'où ils sont venus et là où ils vont maintenant. Na banajua kuangalia ni wapi balikuwaka na wapi banabafikisha leo. Que le Seigneur bénisse. Bwana amibariki. C'est comme je le disais mardi. Nisabili nilikuwa nasema msiku wa pili. 19 prédicateurs sont passés. Waubiri 19 walipita. On a attaqué la colère. Walikumbanisha mambo ya kasirani. Mais vous trouvez des sœurs et des frères. Lakini nakuta badada la banduku. La colère persiste. Beko naendelea paka mwasira mbishilani. On tue eti bali. Vu la main de Dieu. Baliona mkono wa Mungu. Pendant le passage de frère Baizire. Wakati nduku Baizire alitembelea. On a parlé de la négligence. Mais vous trouvez des gens, batu, après ce passage-là, matembezi, ça n'a rien fait. Aifanye kitu kwabo. On a parlé de l'obéissance. Utifu, après le passage des hommes de Dieu, kupita kwa batumisha Mungu, vous demeurez toujours un rebelle. We, unadumu paka ntombozi. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Sasa ni nini tutawezi kusema tena? Quelle autre action il faut? Nitendo kaningine napashwa. Quelle autre action? Nintendo gagne. Vous devez vous poser des questions. On a pas ça que Julie Zamaolizo. Après tous ces passages ici, j'étais ici. Il est quoi pas? Maintenant je suis là-bas. Ça, ça m'a fait qui a pas? Que le Seigneur bénisse. Bwana amibariki. Regardez. Tazamen. La Bible est très claire. Biblia iko wazi sana. En disant Esaïe 53, il est parlé du Seigneur Jésus. Observez tous ceux-là bibliquement qui ont reconnu l'action de Dieu en leur temps. Observez tous ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ comme étant le rédempteur promis. Mutambue, muangalishishe mbele bote walitambua Yesu Kristo sa mukombozi yule aliahidiwa. Observez tous ceux qui ont reçu les prophètes ou les serviteurs de Dieu en leur temps. Muangalishishe wale wote walipokea watumishi wa Mungu wakati yabo. Qu'est-ce que cela a produit dans leur vie? Ilifanya nini mu maisha yabo? Un changement. Mabadiliko. Un changement total. Mabadiliko ya kweli. On peut commencer par Noé, Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, Josué, Joshua, jusqu'à aux apôtres. Ça a produit un effet terrible. Il toa matokeo fulani ndani ya maisha yabo. Quiconque a reconnu en son temps l'intervention de Dieu dans sa vie, il ne le laisse pas indifférent. Cela ne le laisse pas indifférent. Cela laisse des empreintes dans un homme ou dans une femme. Lesquelles empreintes vont t'accompagner toute ta vie? Je ne sais pas. Ce sont des réalités qui doivent se retrouver dans chacun de nous. Maintenant, regardez la séduction. Vous êtes, il est vrai. Vous avez été convaincu que le message est la vérité. Vous êtes parti d'une dénomination et vous êtes retrouvé ici. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne portent pas le fruit de la parole qu'ils ont entendue. Les gens ne portent pas le fruit. Le fruit, ce n'est pas venir à l'église comme vous venez. Ce sont des expériences chrétiennes vraies. La nature de Christ lui-même. Frère Branham dit ceci. Je crois dans vous devez naître de nouveau. Comment reconnaît-on un pommier? C'est quand il porte des pommes. Il va même très loin, il dit ceci. Comment reconnaît-on un chrétien? Il porte la vie de Christ. La nature de Christ. Les fruits de Christ. Matunda ya Christo. Les fruits de la parole. Tunda ya neno. Maintenant, ce n'est pas aussi compliqué. Chacun est à mesure de regarder à sa vie et voir quel fruit il porte. Pour savoir s'il évolue ou pas. Vous devez vous-même vous arrêter. Si la colère est un fruit de l'esprit. Yaro. T'as mieux persévéré. Si la négligence est un fruit de l'éternel, si la désobéissance est un fruit, si la haine est un fruit, mais ne vous donnez pas trop le luxe de dire Mungu atenisaidia. Mais quand tous les hommes de Dieu sont passés ici, c'était ça la main de Dieu? Sasa wakati batumishi ya Mungu alipita kwetu, si ndio mkono ya Mungu ile? C'est ça la main de Dieu. Njo mkono ya Mungu. Si vous ne l'avez pas compris, kama wao kuelewa pano, comprenez-le maintenant sasa, que Dieu vous a visité et vous avez manqué votre visitation. Na ulikosa matembezi yako. Vous avez agi comme Israël. Wao litenda sa Israël. Et ne pas reconnaître le temps où Dieu vous a visité. Na kukosa kutambua wakati Mungu alikutembelea. Vous serez un arbre. Utakuwa muti. Sans fruit. Bila tunda. Et qu'est-ce qui est dit? Na banasema nini? Matthieu chapitre 3. Matthieu sur la tête. Matthieu chapitre 3. Matthieu sur la tête. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Néanmoins Dieu vous reconnaît comme étant un arbre que lui a planté ici. Dieu a fait sortir des dénominations. Vous pouvez vanter combien vous êtes parti de la 30e de ce Kimbang ou quoi. Unawezi kujivuna je uliwezi kutoka mzebu ya Kimbangu tantiem sasa. Qu'est-ce que cela a produit aujourd'hui? Ile yote leo inatosha nini kunaonesha kwa nini? Qu'est-ce que cela a produit dans votre couple? Inatoa kwa nini mundoa yenu? Qu'est-ce que cela a produit dans votre conduite? Inaleta kwa nini katika uongozi yako? Le message est vrai. Ujumbe ni ya ukweli. Vous ne payez pas la dîme. Haulipaki chikumi. Vous êtes tranquille. Ubutu wa kutulizana. Vous êtes indifférent. Comme si Dieu est un homme qui sait, qui oublie aussi comme tout le monde. Vous ne vous souciez même pas de cela. Mais les justes, eux, croissent en payant la dîme. Ils croissent. Les offrandes, ils croissent. En prière, ils croissent. En venant à l'église, ils croissent. Un juste, même s'il venait en retard, lui-même est soucieux. Il s'efforce, il prend des décisions de ne plus jamais être en retard. Mais vous trouvez déjà. Ils se sont déjà donné un programme. Pendant la semaine. De ne venir qu'à 17h moins. Dimanche. De ne venir qu'après la louange. Vous êtes quel genre de juste? Vous êtes quel genre de juste? Uko mwenye haki wa je? Vous êtes tranquille. Uko tu wa kutulizana? Injuste. Mwenye haki. Quand il n'a pas de cantique, wakati ana na nyimbo, pas de Bible, ana na Biblia, il se force d'avoir ça. C'est des choses très élémentaires. Bitu tudogo tudogo. Très élémentaire. Tubitu tudogo tudogo. Il ne priait pas à la maison. Il commence à se forcer à prier à la maison. Dans son couple ou dans sa maison, il n'y avait pas de réunion de prière. Il se force de commencer ça. C'est-à-dire, Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, neno, Christ, Christo, leur a donné le pouvoir, uwezo, c'est-à-dire la capacité uwezo, de vivre comme des enfants de Dieu. Maintenant vous avez été baptisés il y a longtemps. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous avez reconnu le message étant la vérité. Cette capacité-là est partie. Ce pouvoir est parti. Qui vous laisse tranquille quand vous ne payez pas la dîme. Une capacité, c'est une possibilité de savoir distinguer le bien et le mal. Ni namna inakupatia kuachanisha kizuri na kibaya. Une possibilité de se défendre. Namna ukujikombania. De quitter l'ancienne vie complètement. Kutoka ile maisha yako ya zamani kabisa kabisa. Ça ne demande pas que ce soit un prédicateur visiteur pour vous dire ça. Ailombe mubiri wa mugeni apate kuonesha ile mambo. Pendant la semaine, je disais, Esaïe 53, verset 1, la question est posée, ni, qui a reconnu, ni nani alitambua, quiconque a reconnu, lèvera la main, et dira, moi j'ai reconnu, il m'a été révélé moi, ilifunuliwa kwangu ile mkono. Ce qui fait, Dieu l'anafanya. Je suis comme un palmier, mie, niko sawa muti angazi, en train de croître, niko nenda mukukomala. Train de croître. J'ai fait une petite mise au point pendant la semaine. Regardez le Seigneur Jésus. Avant l'expiation. Tous ceux-là qui l'ont rencontré ont tiré gain de cette présence. Et même certains, même quand ils ne comprenaient rien, ils étaient patients, mais étant rassurés d'une chose, que c'est lui le Christ. C'est comme le cas des 12 apôtres. Jésus disait des choses très compliquées. Mais comme ils étaient rassurés que c'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même au sujet de la divinité, ils ne comprenaient pas beaucoup de choses. Regardez un homme comme Thomas, comme Philippe. Mais ils étaient rassurés d'une chose. C'est lui. Attendons seulement. Ils n'ont pas bougé de là. Parce qu'il savait, il est tout ce que nous désirons. Regardez même au sujet du Saint-Esprit. Il est arrivé un moment, le Seigneur a même soufflé sur eux. Mais ils n'avaient pas là sur place eu le Saint-Esprit. Non. Ils ont attendu. Ils ont demeuré. Ils ont persévéré. C'est pour dire quoi? Un véritable fils ou fille de Dieu. Binti wala mtoto mwanaume wa kweli wa Mungu. Il a une particularité. Eko na upekee. C'est la persévérance. Ni kudumu. Il persévère. Eko na dumu. Désirant à tout prix. Kutamania kabisa kabisa. Saisir une réalité. Kushika ukweli. Quiconque a été saisi par Jésus-Christ manifestera la persévérance. Ataonesha maisha yake kudumu. Philippiens chapitre 3. Wa Filipo sura 3. Quand tu vois dans ta vie trop de laisser aller. Wakati unaona maisha yako mnakuwa achiliwa ya mingi. Je me demande ce qu'il faut dire de toi. Najiuliza ni nini tunaweza kusema juu yako? Philippiens chapitre 3. Kwa Filipo sura 3. C'est très long, mais prenez le verset 12. Bé, mousala kumi na mbili. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Aina kusema misha pata taji. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Wala misha kufika mu kamilifu. Mais je cours. Lakini napiga mbio. Je persévère. Inadumu. Pour tâcher de le saisir. Juu ya kuipata. Puisque moi aussi, vile, j'ai été saisi par Jésus Christ. Moi aussi, vile, il m'a révélé son bras. Alilifunulia mkono wake. J'ai reconnu son bras. Nilitambua mkono wake. Quiconque a été saisi véritablement par Jésus Christ. Kweli kweli. Bref, akuyakuyaka muntu mbiblia, un homme dans la Bible, mudunia, dans ce monde, mwenye Yesu arigusa moyo wake, touché par Jésus, abakie indifférent, indifférent wa shoku shutuka, auripake di mutu paka tranquille, uku wakutulizana, auripake ukurande uku paka tranquille, tu restes là tranquille wakutulizana, unakuyaka muretari uku paka tranquille, tu es toujours tranquille wakutulizana, uku nalopo kanisa uku paka tranquille, uku paka wakutulizana, uku nabeula bantu. Tu méprises les gens, mais tu es toujours tranquille, ça pas dans la vie chrétienne. Ça n'existe pas. Jésus t'a touché, tu aimais tellement la politique, tu aimais tellement les coutumes. Une fois que Jésus-Christ te touche, toutes les choses-là, tu commences à les haïr. Tu cherches maintenant autre chose. Quand tu vois Ukiona, que tu es parmi nous, tu as été baptisé, c'est vrai. Qui va te refuser ça? Nana katalia mais regarde bien. Tata, s'il n'y a aucune persévérance, hakuna kudumu, un désir ardent hakuna ile hamu ya de chercher les réalités divines dans ta vie, ya Mungu dans la maisha yako, arrête-toi. Shimamiosi. C'est très dangereux pour toi. Ni hatari njui kwako. Très dangereux, je te dis. Ni hatari kwako, ndugu yangu nakoneshi. Il va dire non, c'est comme ça qu'ils ont toujours parlé. Et nous n'avons toujours rien vu. Toi, tu vas rester sans voir quelque chose. Mais ici, il y a des frères et sœurs, tu vois Dieu. Bon, que Dieu vous bénisse. Et nous avons dit ceci au courant de la semaine. Le problème n'est pas le fait de venir ici pour chercher à voir quoi que ce soit. Non. Apana. Non. Apana. Et si tu attendais les choses, tu ne verras rien. Peut-être n'akufia kunyanyuliwa. Mais les chrétiens, muyabo maisha binafsi, batanze kona mkono ya Mungu siku yote. Ils verront toujours la main de Dieu. Pendant que toi tu ouvres les yeux pour chercher à voir un paralytique marcher, tu ne le verras pas. C'est un travail en douceur et dans la plus grande simplicité. Tu ne verras pas. Maintenant, il est grand temps ça, que tu t'arrêtes. Pendant la semaine, on a mentionné ça. Le royaume, frère, ne vient pas de manière à frapper les regards. Ne vient pas pour impressionner les gens. Pour que tout Kambo Vici parle, que toutes les chaînes viennent. Non. Dieu n'est pas dans des choses qui frappent les regards. Non. J'ai donné un exemple. Rahab la prostituée. Rahab Ndumba. Elle n'avait rien vu. Est-ce qu'on a kikitu? Elle n'avait pas beaucoup de prédicateurs. Rahab avait juste une assurance dans son cœur. Ali quoi tu n'as kikisho na moyo wake? Une conviction. Ali quoi na kikisho? Que le Dieu là qui a ouvert la mer rouge. Ule Mungu alipasula bahari mwekunda. Ndio Mungu wa kweli. Il va prendre ce pays. Na atachukua inchi. Et quand les espions sont arrivés, na wakati wapelelezi walifika kwake, Rahab akasema, asante Mungu wangu asante. Regardez cette prostituée. Tazameni ukahaba. Elle a pris le risque. Alibeba ile hatari. De trahir sa nation. Ya kutoa inchi yake. De trahir sa nation. Ya kutoa inchi yake. Son pays de naissance. Inchi yake mula alizalikia. La nation à laquelle elle était trop attachée. Inchi, kunyali kwa sa kumbatana sana. Pourquoi? Juani. Pour défendre. Jua kukumbania. Jua kukinga wateule wa Mungu. Maintenant regarde toi ton attitude. Sasa angalia hali yako ya kutenda. Quelle assurance tu as? Ni hakikisho gani kunayo? Quand tu livres les frères et les sœurs, wakati kunatoa wanduku na wadada, dans ton langage, mumisemeo yako. Mais si la Rahab s'est réveillée aujourd'hui, il s'est toléré. Atashanga. Donc malgré toutes les prédications que vous avez entendues, il vous arrive de vous haïr, de demeurer encore dans les tribalismes, d'être accroché à votre tribu. Mais elle, à cause de la vérité, à cause des espions, elle a dit nous, je préfère sacrifier ma tribu. Napenda kutoa, naona mzuri kwangu kutoa kabila yangu. Je préfère sacrifier. Naona mzuri kutoa Jericho. Jericho. Mais vous vous êtes attaché. Lakini wako mwenye kuambatana à votre Jericho. Na Jericho yako. Et vous préférez trahir. Na unapenda kutoa wa nduku na wadada. Mal parler de frères. Kusema mbaya wa mal parler de sœurs. Kusema mbaya badada. Mal parler de serviteurs. Kusema mbaya watumishi wa Mungu. C'est facile de parler de Judas. Ni kipesi kusema juu ya Yuda. Qu'il a trahi Jésus. Et comme elle mutoa Yesu. Mais vous vous faites la même chose. Wewe unafanya kazi moya moya. Rahab n'avait pas beaucoup d'enseignements qu'elle a eu. Rahab a kupokea kama fundisho ya mingi. Pas de prédicateur. Akwe mhubiri. Mais Rahab, la seule opportunité moja, où Dieu lui a révélé son bras, alimfunulia mkono wake, c'est recevoir les espions. Ni kupokea wapelelezi. Et Rahab a juré na Rahab a kalapa kusema, mi kutrahi Rahab kan nikufa nikufa. S'il faut que je meure, tant mieux, je ne peux pas livrer les espions. Et si nana kwa kutenda, parce que même ce matin, vous pouvez aller à la base. Attends, allez, même ce matin, si il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui sont déjà jurés que je ne pourrai jamais fouler mes pieds chez elles. Vous parlez dans vos moumanyons, vous n'avez pas de frères et sœurs. Dada l'andoukou. Mais Rahab, vous jugerez. Rahab a temi ukumu. Rahab, vous jugerez. Rahab a temi sambisha. On a fait une pression sur Rahab. Malisonga Rahab. Jésus suit même le service de la mère. Elle est descendue chez elle. Elle a dit je ne connais pas. Mais regarde-toi. Lakini tazama we. Usia mambo a frère. Usia mambo a sœur. Mais Rahab a protégé. Ya lilinda. Des gens qu'elle ne connaissait pas. Kujua. Mais du simple fait qu'elle savait que bila alijuaka kusema, c'est le peuple du vrai Dieu. Ni taifa ya Mungu wa kweli. Mais toi tu es avec nous ici. Sasa wako pamoja na shii. Tu es avec nous ici. Uko na shia hapa. Regarde maintenant ton comportement. Tazama sasa mwenendo yako. Vis-à-vis du vrai Dieu. Mbele ya Mungu wa kweli. Pour qui Rahab a pris position. Mwenye ule Rahab alibeba kazi yake. Vis-à-vis du peuple de Dieu. Mbele ya taifa. Pour qui Rahab, ce qui fait Rahab se retrouverait ici aujourd'hui. Kama Rahab alikuwa hapa hivi fazi leo. Atakuwa mtu wa kufunga ikini. Il va se taire. Shonon. Voyez-vous? Nous, on a cessé de le tourner. Voyez-vous où nous sommes arrivés? Qui peuvent aujourd'hui wanani, wanawezi leo, tenir face à Rahab, kushimama mbele ya Rahab dans l'attitude qu'elle avait affichée. Kufatana na ile hali ya kutenda vile alitendaka mbele ya wapelelezi. Qui peut faire ça? Nani anawezi kutenda sa Rahab? Sans aucun signe qu'elle... Bila alama elle n'avait jamais vu une imposition de main pour que les gens soient guéris, pour qu'elle croie que c'est ça la vérité. Ashkunaka tabu balawekea mtu mikono, atunze, ili apate kuamini na kusema ni wa Mungu wa kweli. Elle a appris des choses très lointaines. Alipata habari ya mambo kwa mbali tu. Ils sont partis de l'Égypte. La mer rouge s'est ouverte. Pour elle, ça, ça suffisait. Rahab n'avait jamais été à une église où on prêche la vérité. Mais comment quelqu'un de ce genre-là a vu, a vécu une spiritualité supérieure avant l'expiation de Golgotha? Mbele ya kumimiwa kwa Golgotha. Elle avait une spiritualité de ce genre-là. Alishindia ile maisha ya kiroho ya wale watu. Avant l'expiation de Golgotha. Mbele ya ondoleo ya dhambi ya Golgotha. Elle avait un niveau spirituel. Yale kwa la kimo ya kiroho ya juu. Ceux qui sont venus après l'expiation. Kushindia bale balikuwa kisha ondoleo ya dhambi. Ça tombe malade. Ile unaweza hata ugonjwa kwa kuyasikia. Ça tombe malade. Ni mambo ya mbaya. C'est vraiment tombé malade. Ni mambo mbaya sana. Anakata la kubatrahira na kumapata. Il a refusé de livrer les espions. Je refuse. Je ne peux pas parler à ma deux. Je ne peux pas les livrer. Je ne peux même pas aller dénoncer quoi que ce soit. Il faut que je meure, j'accepte. Mais parler en mal de frères et de sœurs, non. Vous savez, mais il y a un doux coup d'âge. Il y a la haine. Il y a la haine. Mais vous êtes après l'expiation. La kini woy on a quoi qui s'est endolé à Zambi. Vous êtes dans la lumière du jour. Muko munuri asiku. Elle était dans la lumière. Yeah, elle quoi katika nuru. Elle a entendu parler. Ali sikia kama mbutu bala sema. C'est fatigant. C'est fatigant. Nyakuregezana. Maintenant si Rahab voulait elle voir d'abord comment les murs de Jéricho vont s'écrouler, tout ça. Kama Rahab alipenda kuona namna gani bibu maukuta ya Jéricho ipata kuruka kisha njoo amini. Elle attendrait longtemps. Aliwezi kungojea wakati mrefu. Elle allait même mourir. Aliwezi atakufa. Elle allait mourir. Aliwezi kufa. J'ai donné l'exemple de Ruth. Nileta mfano ya Ruth. Regardez. Toutes ces femmes, c'est le type de l'église du Nouveau Testament. C'est le type des élus. Et toi aussi, si tu es un élu ici, et tu es commère, très local, journaliste. Comme une journaliste, tu diras... Je suis déjà tombé très bas. Maintenant, dans ton cœur, maintenant, fais le comptage des gens dans cette église. Uchunguzi pour voir combien de gens tu as déjà parlé à mal compter. Où est-ce qu'à côté des Rahabs? Et ça, où est-ce qu'il peut arabe? Qui a Dieu? Nani? Et qu'on a Mungu? Qui a reconnu le bras de Nani? Alitambua mkono wa milele. Où est-ce qu'il est? Est-ce toi ou bien Rahab? Et ce sera une explosion dans ton cœur. Tu seras confus. Et maintenant, dans ton cœur, même ce matin-ci, il y a des gens qui te regardent, la soeur qui danse en esprit, dans ton cœur, tu l'as méprisé. Tes œuvres, ma tendoyako, tes actes, ma tendoyako, parle iko na sema, plus fort zaidi, que ta bouche. Kuliko kinywa chako. Et Dieu au ciel, Mungu kumbingu, aliona voilà ile, pourquoi l'esprit t'en parle. Tu as nini sasa roho inasema na wewe ile mambo. Même ce matin, hata asubuhi ya leo, à moins que ça ne soit pas le Saint-Esprit qui me l'a dit. Pourquoi tu ne rompes ta catégorie? Même ce niseme, matin, hata asubuhi ya leo, il y a des sœurs, il y a des frères, kuko banduku, qui étaient là en train de chanter. Bale, bale, dans mkumba, ton cœur, dans moyo wako, ulichambula na pakuchambula. Tu as même injurié certains. Ulipeula na pakuteula. Tu as méprisé certains. Ulipapanga na kupapanga na sangalia ule na yeye. Regarde c'est là aussi. Maintenant toi et Rahab. Sasa wewe na Rahab. Tira au ciel. Nani atenda kumbingu? Repens-toi. Tubu. Repens-toi ici. Tubu hapa. Si tu es sincère, repens-toi. Kama moyo haki, unapasa kutubu. Repens-toi. Tubu. La Bible est très claire. Biblia iko wazi sana. C'est dans Romains qu'il est posé cette question. Ni wa Roma wanaulize swali. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ni nini basi tuwezi kusema yule hii maneno? À l'égard de quelle chose? Yule maneno. Celui qui appelle ce Dieu. Ule kona ita ni Mungu. Celui qui peut faire danser un frère. Ule anaweza kufanya nduku dada acheze mkiro. Celui qui connaît ce qui se passe dans un frère. Mwenye anajua ile mambo yanapitika ndani ya moyo wa mtu. Mimi nini? Qu'est-ce que je dois dire? Ni nini mnaweza kusema? Si Dieu est celui qui commence une œuvre. Kama Mungu minapasha ni kunyamaza. Apprends-te taire. Ujifunze kunyamaza kimya. Apprends-te taire. Ujifunze kunyamaza kimya. Ce qui fait, si c'était toi Jéricho. Tu n'as pas comme eux, ou quoi que le coup Jéricho. Tu devrais livrer les espions, les Israélites. Tu devrais les livrer. Joue tes attitudes aujourd'hui. Tes actes d'aujourd'hui montrent que tu n'es pas de la même famille que Rahab. Et que le bras de l'Éternel qui avait été révélé à Rahab n'est pas celui qui a été révélé à Rahab. J'ai parlé de Ruth. Regardez ces jeunes gens. Vous n'avez pas trop de signes, ils n'exigeaient pas beaucoup. Ruth aussi. Combien de prédicateurs avaient-elle? Combien d'enseignements? Rien du tout. Akunata. Une conviction s'est levée dans son cœur. Akikisho tumwe kaamuka ndani moyo wake. Ruth a dit. Ruth akasema. Je quitte le pays de mon état. Niko natoka muinchi nilizalikia. Je suis à l'âge de me remarier. Niko na umri ya miaka kuolewa tena. Lakini kwanza que je trouve le Dieu d'Israël. Nipate u Mungu wa Israeli. Comment c'est la question. Ni comment ces jeunes gens, je wale wabiana, une fois que la main de l'Éternel leur avait été révélée, wakati tu mkono wa milele lifunuliwa kwao, imprenaient de très grandes décisions. Bo baranza kubeba mipango ya nguvu. Avant l'expiation. Mbele ya ondoleo. Après l'expiation. Ya ondoleo. C'est à dormir debout. Hii mambo ni ya kulikishana. Avant l'expiation. Mbele ya ondoleo ya zambi. Des gens ont une spiritualité. Walikuwa na maisha ya kiroho. Vous ne savez pas égaler à la nôtre. Il a osé kupimanisha na hii maisha yetu tunayolewa kiro. Ruth ne connaissait rien. Ruth akujuake kitu. Une conviction s'est levée. Akikisho tu kalamka ndani moyo wake. Ndio akosema. Le véritable Dieu. Mungu wa kweli. C'est le Dieu d'Israël. Ni Mungu wa Israeli. Et d'abord moi ma préoccupation maintenant. Na kwanza sasa angaiko yangu mie. Je suis veuve. Niko muyane. Très jeune. Kiana. D'abord kwanja, que je trouve ce Dieu-là. Nipate ule Mungu. Que j'aille vraiment me réfugier là-bas. Nikafutamie kule. Mais combien de sœurs. Sasa badada ngapi. Ne tienne pas. Abashikamana pana. Tu étais marié ici. Ulikuwa ushaolewa hapa. Unavunja ndoa. Tu reviens dans la lumière du jour. Unarudia mnuru. Tu te remaries. Unaolewa tena. Toi et Ruth. Wewe na Luta. Qui est spirituel? Nani kwa kiro? Qui est spirituel? Nani kwa kiro? Shona na seni vintu vimoja ya uju sana. Wa que ce sont des choses vraiment très terre à terre. Yahoo San Brésil. Elle était attachée à Moab. Alikuwa alishakambatana na Moab. C'était sa nation. Ile ndio ilikuwa nchi yake. C'était là ses frères et ses sœurs. Elle a préféré. Alipenda. Tourner le dos. Kupa mkongo. À la tribu de son papa. Kabila ya baba yake. Au changage et autres. Aux tantes. À donner raison. Na kupatia sheria. Au Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est ce que nous on fait. Et Dieu tunafanya kashi. C'est que nous on fait. Est-ce que Dieu tout fait? Elle a accepté Alitikia de partir comme dans une aventure. Mais sachant que d'abord que j'essaie de trouver ce Dieu-là. Mungu. Au coutume de son pays. Kubitela, à la politique de son pays. Même si à Moab on pouvait lui dire écoute. Le peuple perdu a besoin des jeunes filles. Elle a dit non. D'abord Dieu. C'est ce que nous on fait. Et Dieu si tout fait. Ce que nous on fait. Et Dieu vit tout en chi. C'est malheureux. Niaole. Regardez Hébreux 11. Ça amène à Hébreux 11. Frère, toi tu regardes quoi imani hier, tu n'as pas les barres tout en bouillie. Notre foi. Nous on est après l'expiation. Ce qui fait après l'expiation. La spiritualité. Maisha Akiro. Devait être au top. Il passe à quoi y'a Yulu sana. Devait être au top. Il passe à quoi Yahoo. Hébreux chapitre 11. Ouais, Ibrania, sur regardez comment il est dit. Ici. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Akati na kuenda mahali alipasha kupokea maurithi. Il n'avait encore rien vu. Mais convaincu que Dieu Mungu alikuwa akisema c'est lui le véritable Dieu. Il n'avait encore rien eu. Bado, pas d'enfant, rien du tout. Bado, alikuwa, et il est parti sans savoir où il allait. Na kaenda bila kujua ni wapi anaenda kwenda. Descendez. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi. Wale wenye kusema hivi. C'est-à-dire ceux de qui il est question ici. Wale wanasemea. Montrent qu'ils cherchent une patrie. Beko naonesha kusema natafuta inchi fulani. Mais ils étaient de Bakwa Kalonji, de Balubakati, tout ça. Balubakati, mais c'est-à-dire. Biriba dégoûté, ça n'a pas l'air de s'afficher. Ils ont eu le dégoût de leur coutume pour chercher un autre pays, ils cherchaient une autre nature. Mifano ingine. D'autres habitudes. Montre qu'ils cherchent une patrie. Il est honnête à quoi ma banane t'a foutu. Une manière de vivre. Nana ingine à qu'il n'y avait pas chez eux. Il a pas attaqué quoi beau. Continuez le verset qui suit. Fatem, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis. Non, non. Kama barikuya na amu ya mule baritokaka, barita kuluri amu. S'ils avaient en vue, celle d'où ils étaient, s'ils étaient nostalgiques, ils auraient eu le temps d'y retourner. Maintenant, frère et sœur, qu'est-ce qui te fait rentrer dans les choses d'où on est sorti? Abraham, Ibrahim, la Bible dit, Biblia nasema, il est parti ne sachant pas où, alienda, bila kujua ni wapi, mais espérant que j'aurai. Lakini, alikuwa natumainia kusema nitapata. Et complètement dégoûté. Na alichukizwa sana. Akamwambia Abraham akusema Mungu ana hapa wanasema utatajirika kama unaluria. Abraham dira no. Même si on pouvait lui dire que tu vas t'enrichir, je tu dirais je suis en train de une patrie. Abraham alipata kusema hapana, ni unatafuta ko inchi. Adamu alisema iko ya je. Anasema je ne sais pas vous expliquer. Et même hata kama wanaweza kumuliza ni inchi ya je, afa mitashisha mpatie. Dieu est capable de construire une patrie. Lakini Mungu yuko na uwezo wa kujenga inchi ya vile. S'ils avaient dans leur cœur. Kama ndani ya mioyo yao walikuwa anga. Encore le souci. Na angaiko hamu de l'esprit du Congo, ya ile roho ya Congo, roho ya Katanga. Sasa angalia spiritualité yetu. Maintenant, considère la bonne spiritualité. Frère, on a couillé. Un frère vient ici. On a baptisé. Il est baptisé. On a chauffé. Nous avançons. On a un pont. Il commence à prendre la bascule. Il fait la cour. On a un petit souillé. Il se souille encore. Il y a un Abraham tout à fait mini. Qu'est-ce que nous pouvons dire entre lui et Abraham? Frère, on a couillé. Une seule vient ici. On a un ami. Il on a chauffé. Nous avançons. On a un petit souillé. Et il s'ambifie. Tout à fait mini. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons accepté que le Dieu véritable est là. Maintenant, on a fait capable. Maintenant, il faut arriver. Il faut dire que il faut maintenant que les gens puissent dire la vie que Dieu a portée n'est pas correcte. Mais ce sont des choses que nous avons fait. Donc, on ne peut pas qu'on aille hamu, yabakbile ou yachaka. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. La parole est apportée. Mais nous, la tangaziwa. Pour essayer de t'agiter un peu. Que tu te réveilles. Ou amouke. Que tu te réveilles. Ou amouke. Comment pouvons-nous avancer comme ça? Je t'ai dit que son gambele mouille la mouna. Regarde un peu ces gens. C'est-à-dire tout ce qui est important. Yote le quoi ma fa. Dès le jour où Dieu leur a tendu la main. Tangia le siku Mungu alibajosha mkono, ikakwabia bule sasa. C'était l'appel qui était. Il quoi dit mouito, Dieu le quoi fait à ma part. Tout le reste. Biote, biwakia. Malasema, oui, on est tout à Dieu. C'est lui qui nous a appelé, va s'occuper du reste. C'est ça notre attitude. Et Dieu allié tout si. Si c'est ça là, si c'est le même Dieu qui. Kamani, où le Mungu moya monja le quitte. D'où vient le cœur? Ni watu kuna tokia. Même venir à l'église. Atakuya au kanisa. Tu y as toujours des raisons. Huku paka na masababu. Tu y as toujours, je ne sais pas. C'est quel christianisme? Dibo Christ ou Badje. C'est quel christianisme? Dibo Christ ou Badje. Regardez. Kazamin. Jésus était de passage chez Marie et Marthe. Yesu alikuwa kule mkupi, alipita kule kwa Maria na Marthe. Marthe très occupée kumpishi. Marthe était très occupée à la cuisine. Marie a saisi l'occasion. Marie a caché les bâtis. Cet homme ici, je ne sais pas si je pourrai encore le revoir. C'est qu'il est en train, de dire aux disciples que j'en profite aussi. Marthe. Marthe. Mansani. Et c'est dans la veste, la lessive, Batoto, les enfants, Mkolopa, la torchonnée. Il prépare la table. Elle pouvait même se plaindre. Seigneur, tu ne comprends rien. Jésus a répondu à cette question. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu travailles pour des choses inutiles. Pendant que je suis là, c'est ça le moment favorable. C'est ça le moment favorable. C'est le moment favorable. Jo wakati ya mzuri. Vous trouvez une sœur. Unakuta dada. Donc elle a fait un retard. Elle est arrivée en retard. Mais j'ai arrangé la maison, c'est mzuri. Qui viendra comme visiteur? Jésus. Nani atakuwa kuleta mgeni kwako ni Yesu. La maison que tu dois ranger. Nyumba ile unapaswa kutengeneza ni moyo wako. Prends soin de ton cœur. Angaikia moyo wako. Que Jésus vienne y habiter. Ili Yesu akopi kalamu. Mais tu as fait tout ce que tu as fait là. Ulifanya bila utaweza kufanya. Qui vient? Nani anakuja? Tu ne comprends rien. Aushikie kitu. Nous sommes au temps où des graves décisions doivent être prises en rapport avec notre salut. Regardez Rahab. Tazameni Rahab. Ruth. Luta. C'était des gens, frères, quand vous le regardez, toute leur vie, yote, l'appel importait beaucoup. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans le christianisme aujourd'hui. Occupé à beaucoup de tâches. Mais Christ, lakini Christo, n'a plus de place. Ana nafasi. Christ n'a plus de place. Christ ana nafasi. Ou même disons. Ata tuseme. On a décoré nyumba na biacha byote bien. Tu arranges ta maison et tu laisses tout en ordre. Et puis tu arrives l'enlèvement a lieu. Kisi unafika kunyanyuliwa kunafanyika. Utanuna mnyumba. Est-ce que tu vas rentrer dans cette maison là? Le moment favorable, c'est celui-là que Dieu te donne. Comment Jésus était là, Marie a compris qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut être à la disposition du Seigneur. Nous avions même montré dans la semaine que un chrétien ou une chrétienne, quand il reconnaît la main que Dieu lui tend. Il comprend que j'appartiens maintenant à celui qui m'a tendu la main. Tout ce que je suis, je dois vivre sous cette autorité. C'est pourquoi on vous a lu Romains chapitre 7. Romains 7, verset 1. La loi exerce son pouvoir sur tout homme pendant que l'homme est en vie. Et qui vit loi fait allusion à une autorité, une puissance qui règne, qui tient la loi. Avant la foi, nous étions sous la loi du péché. Nous étions sous la loi du péché. Après la foi, imani, nous sommes sous la loi de l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui est préoccupant pour nous, c'est ce que l'esprit dit, ce que l'esprit fait. Et j'invite suffisamment Dieu, par son esprit, à déraciner tout ce qui est de l'homme en moi. Je veux faciliter la tâche à l'esprit, en me mettant à sa disposition, de sorte que malade, tout ce que je suis, soit sous l'impact de l'esprit. Désirez cela, et vous verrez que le christianisme est une réalité. Même si tout le monde ne voit rien, toi tu verras beaucoup de choses. Je vous ai parlé de la Samaritaine. Quand elle a appris de la bouche du Seigneur que c'est lui à qui je donnerai l'eau, il sera une source. Elle a dit, je veux cette eau-là qui fera que je devienne une source et que je ne rentre plus jamais à mes anciens systèmes ici. Voyez toutes ces femmes-là. C'est le type de l'église. C'est lui qui rencontre Christ. Frère. Désire devenir une source. Désire devenir une source. Et quand il n'est pas encore arrivé là, il doit persévérer, comme on a lu Paul. Pourquoi il a été saisi? Avez-vous été saisi? C'est la question. Quand quelqu'un a été saisi par Christ, il ne brûle qu'à devenir une source. Source de bénédiction pour les autres. Source de bénédiction pour son mari. Source de bénédiction pour sa maison. Pour son église. Pour sa famille d'origine. C'est ça. Ce n'est pas ce christianisme que nous voyons. Aina qui Christ qui tu na ona. Ce n'est pas ça. Aina jo vile pa. Beaucoup de prédications. Maubiri ya mingi. Mais lakini l'arbre demeure sec. Muti na baki paka kauka bila matunda. Où avez-vous déjà vu ça? Musha onaka muti ya vile wapi? Où avez-vous déjà vu ça? Musha onaka ile wapi? Devons nous interroger. Tu n'as pas ça que tu lises. Parce que Dieu, la Bible dit, bien sûr, Hébreu, ni moi Hébrania, Hébreu 10, ou Hébrania Kumi, Hébreu 10, ou Hébrania Kumi, Hébreu 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérer. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Mungu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous devez persévérer. Persévérer en faisant quoi? En désirant que j'accomplisse toute la volonté de Dieu d'abord. Ce qu'il a promis là, lui-même au temps marqué, il me visitera. Vous avez besoin de persévérer. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ou de ceux qui ne persévèrent pas. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point. Mais que devez-vous faire? Imitez Rahab. Imitez Ruth. Imitez les Noé. Imitez tous ces gens-là. Qui par la foi wale kwa imani et la persévérance na kudumu ont hérité des promesses. Waliriti malako. Imitez ces gens. Wafatirishe wale watu. Il est écrit dans la Bible imeandikwa Biblia que ces choses ont été écrites biliandikiwa pour nous servir d'exemple. Tusaidia kwa mfano. Et peut-être en leur temps, Ruth n'avait pas d'écrit. Rahab n'avait pas d'écrit. Mais toi et moi, nous avons beaucoup d'écrit. Nous avons beaucoup d'écrit. Et Dieu, en écrivant toute l'histoire du Seigneur, qu'est-ce que Dieu voulait montrer? C'est là que je vous ai lu le verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, plus de preuves aux héritiers. Dieu veut montrer aux héritiers que regardez Noé. Regardez Abraham. Regardez Jacob. Tazameni Jacob. Dieu veut nous montrer, nous les héritiers. Anapenda kutonesha wariti. Que ce n'est pas de l'aventure. Ya kwamba na michezo hapana. Agissez comme ils ont agi. Vile bo balitendaka. Vous arriverez à la promesse. Mutafika na mweku malako. Trahissez l'ancienne vie. Mutoe ile maisha ya zamani. Trahissez la nation à laquelle vous étiez. Mutoe inchi mule mlikuwaka zamani. Mais protégez la parole. Lakini mulinde neno. Rahab a protégé les prisonniers. Alilinda. Parce qu'ils étaient porteurs de la parole. Juu wao walimletea neno. Elle protégeait la parole. Alikuwa analinda neno. Ruth a choisi le côté Luta de la parole. Alichagua ngambo ya neno. Elle a quitté sa nation. Aliacha nchi yake. Elle a trahi son ancienne vie. Alitoa maisha yake ya zamani. Trahissez votre ancienne vie. Mutoe maisha yenu ya zamani. Trahissez ça. Mwitoe. Ne réfléchissez même pas. Maintenant, imitez. Ufatirishe Luta. Imitez Rahab. Ufatirishe Rahab. Imitez la Samaritaine. Mwanamke Msamaria. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alisema nini? Je veux devenir une source. Ninapenda kuwa donne-moi ce maji. Et quand on lui a donné, na wakati walimpatia, elle est partie, elle a dit, akaenda na j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ananionyesha mambo yote nilifanya maisha yangu. Ne désirez-vous pas aller le voir aussi et l'écouter? Amupende na mwe kwenda kumuona na kumsikia yako. Elle est devenue une source. Akakuwa chemchemu. Elle est devenue une source. Akakuwa chemchemu. Même dans ta propre famille biologique. Ata mujama yenu. Aba kwa mini ansi mushaku. Aba itikaga sa mumukri. N'accepte pas que tu es déjà chrétien. Naba cousin yako. Ete kubajana yako. Bayomba yako. Tes oncles. Ba neveu. Ba bepo yako. Ni nani? Ni kisa. Oncle. Oncle. Non, laissez-le. Nani? Kisa. Tante, non. Tursumburien mambo. Parle autre chose. Ule ni mukrisi. Est-ce que c'est là, c'est une chrétienne? Ni frère wenu, ni sœur wenu. C'est votre sœur, c'est votre frère. Tu ne sais même pas convaincre ceux de ta propre on famille biologique. Kwa kikisha taba mujama enu, kwa mboko mkristo. Pourquoi? Juanin. Lors des deuils. Wakati abilio. Mukiakwetu tunafanya kile. Selon notre coutume, nous faisons ça. Et puis, mardi, unakuya. Le mardi, tu viens au culte. Banas kuimba mimbo ya ba. On peut chanter. Aba bantu bakikasai banemba kabana baiteka banene. Bayuda. Bayuda. On peut chanter les chansons. On a ses amis ou à Bayuda. Tu danses. On chante à Kubamba, na Kubamba. Je te dis même pas. Mardi, tu viens. Le mardi, tu viens. On a quoi t'en app? Frère. Donc. Sœur. Dad. Où tu vas? D'où viens-tu? Comment est-ce qu'il y a mis pour Bayouda? Oui, tu entends le chanson de Bayouda. Tu penses. C'est ça la promesse de la résurrection. Il est déjà malaco quoi qu'il y a au fufuku. Non pas ma birio biote, abafanyake banafanyake. On évite au chawati. Et tu t'inscris là-bas. Non, on est jingi ça moule mambo. Mais mardi on a couya. Et le mardi tu viens ici. Bonjour frère, bonjour sœur. Si Dieu l'indicème. C'est ce que j'ai dit. Qui est hypocrite sans le savoir. Satan t'a aveuglé à ton hypocrisie. Mubunafiki bwako. Tu ignores même que tu es hypocrite. Il t'a déjà couronné. Alisha kupatia taji. Il t'a déjà couronné. Là où il a déjà couronné. Et tu sais même pas que j'ai deux natures, deux comportements. Il faut marier. Le deuil. Il organiser le fait. Je me comporte comme Kassai ou comme Katangé. Mais néanmoins, je vais néanmoins aller à l'église. Où est-ce que tu as déjà vu de tels comportements? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Et puis entre-temps, na kisha, Mukanisa a ton étonnant. Nous ne voyons pas. Où t'as-on agi? Comment peux-tu voir? Parce que toi, tu es l'obstacle. Oui, Joe Kizubio, Kizuizo. Tu es l'obstacle à cela. Oui, Joe Kizuizo. Les saluts, frère. Oko vundu. Comme on a lu au courant de la semaine. Bien, tu sommes à Kadira Juma. Jésus vient. Yesu anakuja. Pour ouvrir les yeux aux aveugles. Bien, kufungua macho kwa vipofu. Ouvrir les yeux aux aveugles. Donner un discernement aux gens qui ne voyaient pas. Kwa batu. Nous étions aveugles autrefois dans les dénominations. Maintenant, nous sommes revenus, nous avons un bon discernement. Ça, ça, tu n'as pas à kutambua kiro kuzuri. Nous savons que il y a une sauti à Dieu, je peux m'aligner, vous voulez vivre sauti à Dieu. Je ne peux m'aligner que sur ce qui est conforme à la parole de Dieu. Je vais trahir tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Dieu la mungu kubitoa. Des choses dans lesquelles j'étais né. J'ai grandi. Je dois faire ça. Dieu vit les mains pas chaque fois. Le christianisme ne marche pas. Que Christ soit qui est les gens amènent deux choses à la fois. Bah, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est clair. Soit tu trahiras l'un, tu trahiras l'un, et tu t'attacheras à l'autre. Et nous venons ici na tuna kuja apa, pour montrer que nous nous sommes attachés à la parole. Frères, sœurs, tant qu'à vous trahir maïsha yako ya zamani, que tu n'as pas encore trahi ta vie yako, mwenendo yako ya zamani, ta conduite ancienne, à vous trahir pour l'orisarikia, tu n'as pas encore yes, trahi, naye, à vous tatemba naye, le lieu de naissance, tu ne vas pas je marcher avec Jésus, yako. Et c'est comme ça, et la nature de Christ, je voulais Jésus. C'est comme ça que Jésus agit. N'avez-vous pas lu? Et tu as m'kusome? Quiconque veut me suivre. Il renonce à lui-même. Adikane ye mwenyewe. Quiconque aimera son père. Yeyote atapenda baba yake, mama yake. Ses frères. Banduku yake. Plus que moi. Kuliko mie. N'est pas digne de moi. Ashinistahili mimi. C'est très clair? Iko wazi sana. Vous aimez trop les Bayuda. Ou unapenda sana les Bayuda. Et vous voulez en même temps aimer. Na pa mu wakati mmoja unapenda tena sasa mpende Yesu. Na utakuta katika chien. Et tu vas trouver au milieu de nous bah, frère, des frères. Vraiment c'est malheureux. Niaole. Mes esprits à vous casser. Vous sentez au-delà de ça. Vous sentez au-delà de ça. C'est elle, l'esprit, le bakasai qui domine. Vous avancez Dieu mambo amour. Et vous t'engueulez à combler Dieu dans les affaires de Dieu. Vous avancez Dieu mambo amour. Comment peux-tu avancer dans les affaires de Dieu? Tu aimes cette mutualité là. J'aime toujours être dans ce concept les confrérie là. Vous avancez Dieu. Vous t'assons gambele Dieu. Comment peux-tu avancer? Sondez-moi le monde à moindre. Vous t'écoutez le Bakassa. Et quand vous sondez en lui, là, vous avez trouvé seulement que c'est la nature, le Bakassa qui est en lui. Maintenant, vous voulez avancer dans les choses de la Dieu. Comment peux-tu avancer dans les choses de Dieu, Moulin Amoun? C'est difficile. C'est difficile. La vie chrétienne est une vie de décision. Maïcha qui Christ, Maïcha Beba Mipango. Vous tenez à Félix parce qu'il est de votre chez vous. On appelle à combattre na raisi njuni wa kabila yako. Vous voulez qu'il prospère parce qu'il est de chez vous. On appelle à endele njuni wa kabila yako. Si on parle de changement, ça vous chagrine, vous désirez que Dieu fasse tout, qu'il reste même 100 ans. On appelle à Mungu afayo tebaki ata miaka mia. Ça vous fera, ça va vous donner le Saint-Esprit. Il t'a compatié. Si lui traîne au pouvoir, akigawia ku kuongoza inchi. C'est malheureux. Niaole. C'est malheureux, je Niaole, ne m'onesha. Le christianisme est boite, hein. Ivra komala. Non, le christianisme est en train de boiter aujourd'hui. Ivra kende keleo. Sondez bien vos cœurs. Vous allez voir qu'il y a des petites racines d'amertume qui perdurent. Et vous allez avancer comment? Ça, ça parce qu'un arbre, on peut le couper. Mousse, on tente de le dessoucher. Bah, mais tant qu'il y a des petites racines qui demeurent, elles vont germer. Et ça va vous rattraper. Na, ça va vous rattraper. Quand la parole vient dans un homme, neno, dans mousse, une femme, mousse, frère, la parole mousse, a un effet neno, terrible. Hébreu chapitre 4. Ouais, je ne sais pas que, comment est-ce que nous allons avancer dans l'enlèvement est proche. Na kusema, kuna karibia. Vous entendez chaque jour que nous sommes dans un âge très dangereux. Les jours sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce que Satan vous laissera faire tous les actes religieux au point même que vous croyez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Alors que vous n'êtes rien. Faites très attention. Hébreux 4. Verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est une semence qui a la vie. On ne peut pas l'empêcher d'agir. Quand quelqu'un reçoit cette semence dans son cœur, elle opère de grands changements. Elle-même, la parole va se prier la voix dans ton cœur. Plus tranchante qu'une épée quelconque à détranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire, la parole quand tu la reçois, Christ viendra jusque dans ton âme. Et ne sépare et l'esprit. Naro, vole dans l'esprit. Anenda dans naro, et dit, regarde tes imaginations. Picha, regarde tes pensées. Yako, regarde ta mémoire. Yako, regarde tout ce que tu as comme faculté. Elle prend tout ça. Elle te brandit. Elle dit, c'est comme ça qu'on doit marcher avec Christ. Christo, tu tomberas à genoux. Tu te condamneras. Tu vas implorer le secours. La parole mpada, quand elle dit, dans chaque esprit ici, il y a cinq portes. Elle se tient sur les cinq portes pour ne laisser entrer dans ton esprit que quelque chose qui est conforme à l'esprit. Maintenant, vous êtes prisonnier des raisonnements. Tout principe est démoniaque. Je m'en principe oh, sont là, mais tu n'es jamais mort. La parole se tient à la porte de l'esprit. Se tient l'esprit Niro. Des cinq entrées de l'esprit. La conscience, Zamiri, la mémoire, Kukumbusho, les imaginations, Mafikili, les pensées, Mawazo, les intentions. Mania, elle va fouiller. Elle ne te laissera pas tranquille. Tant que tes imaginations ou ta mémoire essaie de te rappeler des choses, des vieilles choses, la parole s'oppose. Neno tapinganisha ile, tasema pala bila ni vitu vya zamani. Comment? Je, vous pensez que mambo ya Mungu ni histoire tu unasoma poke? La parole de Dieu c'est une histoire. Ça doit être réalité vécue par chacun de nous. Mambo ya kweli ile kila mmoja wetu naishi. Maintenant posez-vous la question. C'est comme ça que la parole que vous avez reçue agit en vous. Si elle n'est pas ainsi, qui est entré en vous? Sasa, ni nani aliingia ndani yako? Mais vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Sasa, uko mwe kubatizwa na mjina Yesu. Elle sépare elle-même la parole. L'âme d'un côté, l'esprit de l'autre, et le corps de l'autre. Et commence à dépouiller tout ce qui n'est pas de l'autre. C'est là que vous m'avez entendu dire. Dieu est terrible. Dieu a dribblé le diable à Golgotha. Et le diable a saisi le poteau alors que le ballon était dans le bois. Comment? Dieu. Le corps. Le corps. Willy. Qui avait commis adultère. Il était qui volait. Qui trichait. C'est ce même corps que nous avons. Mais quand Satan vient, et les démons viennent pour nous poursuivre, ils arrivent, ils regardent à l'intérieur, une nouvelle création. Ah, mais c'est oui. Mais son nom c'est Joseph, c'est oui. Mais c'est lui qui est en lui. C'est ça le mystère de Golgotha. Josiria Golgotha. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens sur la croix. Notre Dieu est terrible. Oui, ni fin qui vient à bamba pour une vie. Le diable est tombé à gauche alors que le ballon est entré à droite. Frère. Nduku. Éphésiens chapitre 1. Regardez comment le Saint-Esprit parle. Tazamen na unagani Roho. Verset 7. En lui, Daniake, en Christ, Christ, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, nous avons été libérés par le sang. Tulikombolewa kwa damu. Dieu nous a déclaré libres. Vous acceptez ça? Vous voyez que la libération est chose réelle. Avançons. Le pardon des péchés. Dans d'autres versions, c'est dit la rémission des péchés. L'effacement. Selon la richesse de sa grâce. Maintenant, suivez. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Terrible. C'est-à-dire Dieu a regardé dans sa sagesse, il a dit, et le diable n'aura pas comment ça va se passer? Résultat. Je forme un corps. Tunga mwili. Tous bote seront représentés là-bas. Wataonekanishwa ndani ya ile mwili. Tous bote seront mis à mort là-bas. Batauawa ndani ya ile mwili. Adultère. Musharati mule. Tribaliste. Wakupenda mbuguza makabila mule. Tous là-bas. Bote mule ndani ya ile mwili. Quiconque croira. Yeyote ataamini. Il doit profiter de cette victime-là. Et maintenant, la loi de la représentation. Comme c'est Adam qui nous a représentés. Dieu dit, un autre Adam doit les représenter. Adam mwingine, pendant que wao, Satan attend voir notre mort, wakati shetani mkongojea aone kifo chetu, vimesemewa la loi du péché, sheria ya dhambi, c'est la mort, ni kifo. Mais nous sommes morts tous en Christ. Lakini shibote tulikufa ndani ya Kristo. C'est comme je l'ai dit pendant la semaine. C'est bien que quand même shetani nakuya leo, même si le diable venait aujourd'hui, c'est toi qui volais, je dis non, ce n'est pas moi, vous vous êtes trompé. Comment sommes-nous tombés? Celui qui volait, on l'avait châtié, il était mort à la croix. Celui qui commettait l'adultère est déjà mort à la croix. Celui qui était colérique est déjà mort à la croix. Satan s'est dit, le diable, Satan a enseigné, allons chez les juges. Twende kwa wamzi. Les juges lui disent, mwamzi anamonesha, toi tu n'as pas lu, au kusome, dans Romains 7, mwa Roma sura 7, verset 4, musara 4, que nous avons été na kwamba si bote, mis à mort par le corps de Christ, kupitia Kristo, pour appartenir jua kuwa à un autre, ba mutu mwingine, pour devenir jua kuwa une nouvelle créature, kiumbe kipya. Et Dieu lui dira, non, c'est lui que vous utilisiez. Ce n'est pas celui qui est en lui maintenant. C'est quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai mis en lui cet homme-là. Parce que c'est une création divine. Que Dieu vous bénisse. Quand un élu comprend ça, il sait sur quoi il se tient. Il sait sur quoi il se tient. Ce qu'il fait, fanya, comme on en a mon maïsha ya, si tu vois dans ta vie, une apparition des choses anciennes, kwa bitu ya zamani, là, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je revendique niko na lomba, la nouvelle création. Ki maumbe, je revendique mupia, le nouveau caractère. Ni na lomba, je revendique mupia, lomba, la nouvelle nature. Asili mupia, la nouvelle pensée. Mawazo mupia. Mais comment vous, sasa je weye, vous vous laissez à l'ancienne nature. Une jachilia, ukwe na hali yako ya zamani. Alors vous ignorez vos droits. Sasa unasaba, unakosa kujua marusa yako. Dieu a répandu sur nous. Mungu alimimia juu yetu. Dieu Mungu a pris sa sagesse. Alibeba hekima yake. Et nous a couvert de ça. Na katufunika nayo. Et nous faisons comprendre maintenant. Na kutuelewesha sasa. Parce que quand Dieu vous fait comprendre une chose, Mungu anakuelewesha kitu, c'est ça vous révéler son bras. Njoo kukufunulia mkono wake. Continuons la lecture. Tuendelee na kusoma. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alitujulisha siri ya mapenzi yake. Ah, maintenant nous comprenons. Sasa tunaelewa. Pourquoi faisons il fait ça? Jua nini anafanya vile? Pour donner l'occasion à chaque sœur. Jua kupatia baadhi kila frère, kila dada, de ne pas accepter l'esclavagisme de Satan. Ashitikie butumwa wa shetani. Il vous fait comprendre le secret de son plan. Anakuelewesha siri ya mapu yake. J'ai profité de ça maintenant. Hii, Satan ne peut rien. Shetani hawezi kitu. nous a fait comprendre, connaître le mystère de sa volonté. Ce qu'il voulait faire en Christ, qu'est-ce qu'il voulait faire? Que chaque frère, que chaque sœur, peu importe les abominations dans lesquelles vous aviez vécu, peu importe tout ce que Satan pouvait faire de vous, tout a été mis sur Jésus. Maintenant, ne pensez pas qu'il y aura une certaine sensation dans le corps, non. Vous voyez que c'est ça la vérité et marcher dans cela. Recevez ça comme parole. Il nous a révélé le secret. Effectivement, c'est le secret. Maintenant, le secret, où l'on a époqué, celui qui le reçoit, il y trouve intérêt. Il y trouve un bénéfice. Celui qui découvre ce secret, comment as-tu fait? Viens, je vais t'en parler. Ce n'est pas le fait de sautiller. Le diable n'a point le droit de te saisir. Il ne faut pas accepter. Est-ce que quand même nous résistons, si tu lui résistes, il ne pourra rien faire contre toi. Il ne fera rien contre toi. Lui aussi obéit à la loi de Dieu. Ce que nous faisons, c'est la loi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que Dieu fait. Dieu est le Mungu en affaire. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution. Je vais kuitumikia. Lorsque le temps serait accompli. Wakati le wakati ilipasha kuenea. De réunir toutes choses en Christ. Kuweka vitu vyote ndani ya Kristo. Celles qui sont dans les cieux. Bien kwa mumbingu. Et celles qui sont sur la terre. Na bile bien kwa pa dunia. C'est-à-dire, tout doit obéir à un seul maître. Vyote bote wanapasa kutii kwa Bwana mmoja. Une seule tête. Kichwa moja. Un seul chef. Mkubwa moja. Kisa. Nani Christ, Christo, la parole. Neno. C'est lui Dieu. Ni yeye ndio Mungu. Et quand il dit à Satan. Na wakati anasema Satan. Christ c'est lui Dieu. Satan Christo ndio Mungu. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été? Ni nani ule mkono wa milele ilifunuliwa kwake? Ça ne change. Iko na mubadilisha. Il connaît le vrai Dieu. Anajua Mungu wa kweli. C'est lui seul à qui il faut obéir. Ndio peke yake ule anapasa kutii. C'est lui seul à qui il faut se soumettre. Ndio ule kwake tunapasa kutii. Bon embarique. Que Dieu vous bénisse. Réunis toutes choses. Kutunga bitu biote. Sous un seul chef. Chini ya mkubwa moja. Na unayo kusema, washi kuomba ni Yesu. Nous, le seul que nous devons adorer, c'est Jésus. Kama mina kosa bukweri. Si je manque le mariage, wakulomba ni Yesu. C'est à Jésus qu'il faut demander le mariage. Utafuta Roho Mtakatifu wakulomba ni Yesu. Si je cherche le Saint-Esprit, il faut le demander à Jésus. Ule nikuna kimbira kanisa wakulomba ni Yesu. C'est lui, pour qui je cours quand je vais à l'église, c'est pour prier Jésus. Que Dieu bénisse. Mungu et mibariki. Alors, Sasa. C'est ce qui fait que le Christ, quand quelqu'un, Dieu lui révèle quelque chose. Wakati mutu, Mungu anamufunulia imambo. Cela le rend bouillonnant. Il est l'enfant encore wakuchamuka. Pour les choses de Dieu. Tu habites via Mungu. Le rend très actif pour les choses de Dieu. Chamuka sana, Dieu habite via Mungu. C'est comme je vous ai dit. Ibile mionesha. Le salut, Okovu, c'est quitter une étape ni kutoka mwatua fulani, vers une autre. Kwenda mwatua ingine, quitter la pauvreté kutoka umaskini, spirituel mukiro, vers de grandes richesses. Kwenda mautajiri ya mingi ya kiro. Le salut. Njo Okovu. Le salut, ce n'est pas demeurer pauvre. Okovu, aina kudumu umaskini. Ce n'est pas demeurer esclave. Aina kubakilia mutumwa. Non. Apana. Ce n'est pas ça le salut. Il aina njo Okovu. Acte 26. Matendo mitume sura 26. Acte 26. Matendo mitume sura 26. Attendez avant acte 26, on va toujours lire dans acte là-bas. Il y a deux versets, oui. Acte 26, oui. Maintenant, mais tout met sur la combine la cita. Acte 26, verset 18. Moustara, combine à mon âne. afin que tu leur ouvres les yeux. Ili upate kuwafungua macho. Pour qu'ils ne passent des ténèbres à la lumière. Ili wapate kupita toka magiza na kwenda kunuru. On est ensemble. Et tu tunafata? C'est ça le salut. Jokovu. On atoka mu magiza na kuya kwa les ténèbres pour aller à la lumière. Et quiconque marche dans les ténèbres, ne sait pas là où il va. Mais celui qui est dans les lumières, la lumière, il sait différencier les choses. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas mener cette vie. De la puissance de Satan, toka uwezo wa Shetani, ou de la loi du péché, wala msheria ya dhambi, la loi de l'esprit, na kuenda kusheria ya roho, Dieu, Mungu. C'est ça le salut. Il est joko. Et regardez quand cela s'est accompli avec Paul. Matazameni, Paul va même très loin. Paulo, Paul anenda na mbali. Vous allez le vérifier après. Mutaisoma après. Regardez le verset 19. Kuminatisa. En conséquence, roi Agrippa, Yote, Agrippa, en conclusion, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est-à-dire, c'était difficile pour moi maintenant de vivre sans cela. Kuhishi bila ile. Impossible de m'en passer. Le bras de l'Éternel m'a été révélé. Maintenant, je ne pouvais pas résister. J'ai compris qu'il me fallait chercher à comprendre, à saisir cette main, cette main. Maintenant, regarde nos attitudes. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Vous savez ce que je vous ai dit. Bile, vous n'avez pas, frère, sœur, besoin d'une vision. Awitaji onyo. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie pour avancer dans la voie du salut. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Les choses que vous avez déjà entendues suffisent pour vous affranchir de votre vieux caractère. Vous trouvez des frères, tu vas te poser la question, comment est-ce que cette personne a cru? Ignorant que notre vie est entre les mains d'un grand, plus grand que celui qui est dans ce monde. Iko mumikono ya mwenye kuwa mkubwa kuliko ule kwa dunia. C'est vraiment compliqué. Iko ya sikilike. Bon Christ, toi, il n'a quoi qu'il sérieux, ce n'est pas le fait de rester très sérieux dans l'église, la chrétienté. C'est une vie pratique de chaque jour. Il est oulaïch, il a tout ce qui arrive. Toi, tu sais voir que Dieu interviendra. Mungu atengia mukazi. Dieu interviendra. Mungu atengia mukazi. Regardez une femme comme Anne. T'as vu mon amour que ça Anne. Quand elle a manqué d'enfant. Elle a compris. Anne a compris. Anne a l'élewa. Que c'est Dieu qui doit me donner l'enfant. Si ne me donne pas, c'est fini. Elle est allée vers Dieu. Elle n'a pas regardé. C'est à la suite des gens. Non, non. C'était un mauvais sort. Non. Quel signe Anne avait vu? Si toi, tu cherchais une prophétie. Vous me connaissez toi, moi, prophétie. Il n'y a aucune fois où on a prophétisé pour tel que tu as traîné. Dieu a dit, il t'a donné des enfants. Mais que Dieu le suffise. Regarde Anne. Anne s'est approchée à Dieu. Elle a dit, si toi, tu ne me donnes pas d'enfants, ça ne finit pour moi. Ça n'est fini pour vous. Regardez, je vous ai donné l'exemple de Corneille. Il m'a fait un à Corneille. Avant d'avoir le ventre beauté, ils avaient juste une conviction. Avant de beauté, sans aucun miracle, il a mujiza ta moya. Une conviction dans le cœur. A kikisho tunda na moyo. Et c'était tout. Na ilitosha. C'était tout. Ilitosha. Vous Christ, frère, la chrétienté nduku dada ne sera pas possible avec des raisonnements, avec des raisonnements fikiri ya kimutu, avec ta façon de voir na les choses. Bitu, tu dois piétiner ça. Unapasa kufunyanga. N'est-il pas écrit et que nous renversons tout raisonnement, tuna bomola mafikiri yote ya kimutu, tout auteur qui s'élève yote jikui, ndani mwetu, dans nos cœurs. Tous ceux qui pouvaient prendre le dessus. Oh boulanger, oh la sorcellerie, oh tous ceux qui veulent monter là, nous piétinons ça. Tu vas le vivre où? Pas dans l'église, c'est la cité. Lakini kunyumba msite. Tout ce qui veut monter dans ton cœur, prends l'épée de la parole, coupe à kata kata. Tu dois couper cela. Attends, oui, tu dis tellement que c'est la fausseté. Même si je ne comprends rien, il y a eu un temps. Jésus avait prononcé une forte déclaration. Si vous ne mangez ma chair, comme vous ne pouvez mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Est-ce que Pierre avait compris cela? Il s'était tué. Il dit non, même si je n'ai pas compris cela, mais c'est lui qui est Dieu. Même si tu ne comprends pas les choses, crois seulement que Jésus, il va vaincre toutes choses. Donc, si vous croyez sur quoi il n'a pas changé. Ta chrétienté doit changer. C'est comme je vous ai lu. Isaïe 55. Isaïe 55. Le dernier verset. Isaïe 55. Passe par qui a muti amiba. Là où il y avait la épine. Va germer un autre arbre. Et tu ne seras pas épineuse. Conflit. Dans ma famille, même, conflit. Tu es toujours conflictuel. Pour moi, je ne m'entends pas avec toi. Mais, mais tous les jours, tu viens adorer ici. Les oncles, avec tes oncles, tu n'es pas en accord, tu n'es pas... Tu es à mes enfants, même avec tes jeunes frères, toujours en conflit. Un chrétien se préoccupe pour sa vie. Il recherche la paix. Il va aller même chez le plus méchant. Pour chercher la paix. Il va là où il y a un problème. Ce sont des faussetés. Pourquoi nous luttons? C'est parce que nous savons. Il y a de grandes promesses en étant en accord avec Dieu. Même sans prière, il y a des choses qui s'accompliront dans notre vie. Il y a des choses qui s'accompliront. Parce que étant en accord avec Christ, il est redevable à nous. Vous croyez ça? Il est redevable. Quand tu es en paix avec lui, tout marche bien, que le terrain est bien, Dieu devient ton redevable, ton débiteur. De qui suis-je débiteur? Sasa, ni nani niko na endeni? Je le paierai. Ni tamulipa. Nous avons un débiteur fiable, crédible. Ule kona endeni kwetu, eko na uwezo kutulipa. Mais entretenons la relation sasa, avec lui. Sasa, tutengeneze tu mapatano naye. Donnons-lui l'occasion, frère. Mais je suis quand je vous crie, tu vas prendre un bimbo. Bila nous kona mkono ya Mungu mu maisha yangu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Apana mukanisa. Non, dans l'église. Muyangu maisha ma nione mkono ya Mungu. Tant que j'ai vu la main parce de Dieu. Parce que toutes les promesses sont oui et amen. Ni ndio na amina. Oui amen, quand je serai dans la tombe. Ni wakati mtokoka mkaburi. Nous Christ, nous ne pouvons pas nous dunia. Nous la commençons étant sur terre. Jusque même au-delà de la tombe. Hata kungambo ya pazi ya kaburi. Regardez. Tazameni. Prenez Romains chapitre 4. Wa Roma sura 1. Romains 4. Romains 4. Tu viens à l'église. Aucun souci de t'améliorer. Aucun souci de t'arrêter et dire tu dois arriver avec cette nature. Romains 4. Romains 4. Regardez ce qui est dit. Tu as amené Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il est comme ça, bien quoi, haïti quoi. Quoi? Nini? La foi. Imani. Comme il a cru en Dieu, que Dieu fera ça, que Dieu ne peut pas donner des promesses qui soient restées en l'air. Tant qu'on reste accroché à Dieu, tout s'accomplira. Et la Bible dit, raison pour laquelle Dieu regarda Abraham et celui-ci, c'était un homme juste. Si je ne lui ai pas encore donné quelque chose, mais je crois seulement que malgré le temps, j'interviendrai toujours. C'est un homme juste. Mais écoutez la suite. Ça, ça me fait, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Ce n'est pas seulement pour donc Abraham, beaucoup bantu bengine. Il y a aussi d'autres gens. Mais quoi? Si c'est toi et moi. Quand Dieu va le regarder, ces gens de qui je parlais, quand je parlais d'Abraham, voilà, et c'est eux aussi, même s'ils ne voient rien, mais ils sont convaincus que, arrangeons notre vie, Dieu agira toujours. Dieu va agir. C'est encore à cause de nous. Na ninjute na yetu. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons, à celui qui a ressuscité de mort. Donc la foi en Christ nous met dans une position de richesse insondable, des promesses qu'on ne peut pas énumérer, rien que la foi en Christ. Tu ne verras jamais un chrétien très plaintif, parce que Dieu me considère comme un homme juste et qui mérite de riches bénédictions. Dieu me regarde. Il dit à ses anges, à cause de lui, Dieu Kambov était déjà sorti. Et Kambov ça va. À cause de lui, Dieu a créé. Dieu Kambov va tourner. Et les gens, les membres de sa famille vont trouver un gain. Toi et seul à cause de toi, à cause de toi. Dieu quand il nous regarde. Quand tu m'as étranglé. Il ne sait pas quel mot prononcer encore. À ce jour, tu n'as même pas entendu quand tu as dit que vous voyez. À cause de la justice, du fait que nous croyons en Christ, et que nous travaillons, nous persévérons, il y a des paroles qui ont été mises sur la langue de David. Quand David a regardé, je n'ai jamais vu un juste vieillir et être abandonné. C'était des paroles pour te pousser, toi, héritier d'aujourd'hui, l'héritier d'Abraham, à comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants pour mettre fin à tes plaintes, pour te pousser à travailler dans la voie du salut. J'étais jeune, j'ai vieilli, mais injuste être abandonné. Avant, non. David a dit non. David a dit non. Habite à Kouyaka. Ça n'aura jamais lieu. Ça n'aura jamais lieu. Ce sont des paroles qui doivent nous tranquilliser. Il n'a pas ça que tu utilises. Sont des paroles qui doivent nous tranquilliser. Il n'a pas ça que tu utilises. Je voulais quand même quelques deux écritures. Psaume. Zaburi. Non, non, prenez Job. Job chapitre 4, Seigneur. Job 4. Ce sont des paroles qui ont été dites à Job. Job 4, verset 10. Job 4. Job, Suraïne. Verset 7. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Cherche dans ton souvenir. Sœur, frère, cherchez dans votre souvenir. Notre souvenir, la Bible. Biblia. Cherche dans la Bible. Quel est l'homme ni mutu gani ou la femme mwanaume qui s'est attaché à Christ ou elle ambatana na Christo, et Christ n'a pas fait quelque chose. Na Christo chifanya kitu juu yake. Sondez les écritures. Jimbe mandiko. Cherche dans ton souvenir. Quelle est la femme qui a été persécutée dans son mariage et qui est restée ferme dans la voie du Seigneur et que le Seigneur l'a abandonnée. Cherche dans ton souvenir. Cherchez dans vos souvenirs. Quel est le stérile que Dieu n'a pas consolé? Y en a-t-il? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'homme qui s'est attaché au Seigneur et que le Seigneur l'ait abandonné? Cherchez dans vos souvenirs. Mais si dans ton souvenir, bibliquement, il n'y a personne, c'est pour dire que tu dois faire quoi? Persévérer. Tu dois persévérer. Cherche dans ton souvenir. Ce sont des paroles sûres. Injuste. Mourir dans la honte. Ufa katika haya. C'est pas Jésus-Christ. Apana Yesu Christ. Peut-être Allah. Ta vingine Allah. Ou Mahomet. Wala Mahomet. Mais pas Jésus-Christ. Lakini apana Yesu. C'est comme je vous ai dit, je crois vendredi. Regardez l'attitude de Moïse. Il est parti de l'Égypte sans être effrayé. Il dit, advienne que pourra. C'est lui qui est avec nous, est plus grand que Pharaon. Même sans armes, il est Dieu. Comment va-t-il faire? Tout est en sa main. Il peut utiliser le vent pour tuer l'armée égyptienne. Il peut tout utiliser. Regardez l'attitude même de Samson. Samson était convaincu que tant que je suis en ordre avec Dieu, bref, même avec les suies, quand je fais ça, les Philistins vont tanguka. Bon embarik. Le Seigneur vous bénisse. Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, amoncellent le prix. Ceux qui viennent à l'église, qui vivent comme ils veulent, ils vont mentionner. C'est ça le principe de Dieu. Ceux qui viennent à l'église avec négligence, ils vont moissonner. Ceux qui viennent à l'église malgré les avertissements, ils sont en tête, ils vont récolter. Batavuna. Mais les justes, non, apana. Dieu ne les abandonne Mungu pas. Apana. Dieu ne les abandonne pas. Mungu regardez même pas. Le verset 6. Hata mustara, la crainte de Dieu. Wako wa Mungu. C'est ça ton soutien. Eti, ananjo msaada yako. Ton obéissance à Dieu. Yako kwa Mungu. On ne dit pas tes visions, maonyo, ta prophétie, matabiri, ta crainte. Woga yako. Ton obéissance. Yako. C'est ça ton soutien. Njo msaada yako. C'est ça ton appui. Njo tegemo yako. Pour dire à Dieu, Mungu, souviens-toi de moi. Mungu unikumbukeko. C'est ton obéissance. Ni utifu yako. Ton respect vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ton respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu. C'est ça ton soutien. Ton obéissance en toute chose. Payant les dîmes. C'est ça ton soutien. Dieu va se souvenir de cela pour te bénir. Dieu va regarder à cela pour intervenir en ta faveur. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés. C'est le verset 8. Chapitre 8. Prends le chapitre 8. Yobu sura munane. Verset 6. Si tu es juste et droit, c'est-à-dire comment on a mis les pieds, comment on a tombé à bien, si tu marches correctement, certainement, alors, il verra sur toi. Il va se souvenir de toi. Il se souviendra de toi. Et il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. C'est-à-dire Si aujourd'hui tu as une moto, ne sois pas étonné que tu as usé comme motoka. Aussi changa kusema, tu vas te payer une voiture. Si aujourd'hui tu es locataire, mais tu honores Dieu. Attends qu'on a 60 ans. Même si tu as 60 ans. Souviens-toi. Kumbuka. Il verra sur toi. Atakesha, yuluya. Numba utelpata. Tu auras la maison. C'est pour donner l'assurance au chrétien. Déjà que tu as à Christ. Ton ancienne prospérité, il est marié à Zamani, c'est que tu trouvais que, bien. Oh, je suis à l'aise, tu calcules, tu dis choses. Quoi, pour moi, tu as un bitou qui dogo, c'est qu'il fera, à papa na king. Ici, c'est que tu vas aujourd'hui, c'est rien, c'est qu'il fait, il est à la fin, comme si tu étais un chrétien qui se battait pour... C'était ça. Il est quoi que ton ancienne prospérité. Ma indélo à Zamani. Mais plus tard, ma chico à Kumbele, le Saint-Esprit, Rome Takatif. Bon ami Barik. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça notre Dieu. Quand il révèle son bras. Wakati anafunulia mtu mkono wake. L'homme comprend. Mtu anaelewa. Et marche dans cela. Na anatembea ndani ya ile. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Oh, je l'aime. Oui. Nous prions tous.